Coronavirus. Procédé récurrent pour des mesures restrictives. Le 16 avril 2020, la radio-télévision suisse SRF a rapporté des résultats d'une étude scientifique sur la maladie virale Covid-19, à laquelle a participé l'épidémiologiste Mark Lipsitch de l'université de Harvard à Boston, selon laquelle le coronavirus apparaît de manière similaire à un nouveau virus grippal qui vient et qui reste. Il faut brièvement mentionner ici que les membres de l'université de Harvard participent régulièrement aux conférences Bilderberg. Ces conférences réunissent des personnes influentes du monde des affaires, de la politique, de l'armée, des médias, des universités, de la haute noblesse et des services secrets. Mais revenons maintenant à l'étude. Si les chercheurs ont raison, selon SRF, nous devrons vivre avec des restrictions jusqu'en 2022. Et il est possible que les épidémies soient plus fortes jusqu'à l'hiver 2025. Cependant, SRF déclare qu'un vaccin changerait complètement la donne, du moins s'il était possible de vacciner une grande partie de la population mondiale. L'épidémiologiste Marcel Tanner, qui fait des recommandations au Conseil fédéral suisse dans la crise du coronavirus, va dans le même sens. Dans une interview accordée au Neue Zürcher Zeitung du 24 avril, il a déclaré que la vie sans restriction n'existerait qu'une fois que serait obtenue l'immunité de toute la population. Pour y parvenir, il faudrait vacciner plus de 60 à 70% des gens. Il craint que des grands événements ne soient pas possibles sans une vaccination suffisante. Et la vaccination peut être attendue dans 15 à 18 mois au plus tôt. Que peut-on en conclure si ces pronostics s'avèrent exacts? Premièrement, les gouvernements et les autorités auraient des pouvoirs et un contrôle presque illimités, par exemple pour faire respecter les interdictions de réunion et la censure, pour restreindre la liberté d'expression ou pour adopter de nouvelles lois. Deuxièmement, le vaccin annoncé contre le coronavirus pourrait être présenté comme une panacée et la population active pourrait être contrainte de se faire vacciner. Cependant, il serait plus confortable pour les gouvernements, les autorités et les fabricants de vaccins que les gens ne soient pas poussés ou même forcés à se faire vacciner. Voici un peu de matière à réflexion. Une grande partie de la population et de nombreuses entreprises concernées comprenaient certes les mesures initiales de blocage. Mais aujourd'hui, le nombre de ceux qui les remettent en question ne cesse d'augmenter. Est-ce simplement une coïncidence qu'un vaccin soit présenté comme un sauveur afin d'éviter de futures restrictions? Ou n'y a-t-il pas plutôt une stratégie ciblée derrière ces études, de sorte qu'une large masse veuille être vaccinée volontairement et que tous ceux qui ne veulent pas être vaccinés soient dénoncés et diffamés? Quoi qu'il en soit, nous devons rester vigilants. So oder so gilt es weiterhin wachsam zu bleiben.